بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 20 بعد 200 220 كيستيون. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: عندما يكذب البعض مثلا في رمضان، أو عندما يغش أو يختاب وينهاه البعض ويقول له إن هذا حرام، يقول رمضان كريم، فما حكم ذلك؟ Donc le cheikh est interrogé à propos de cette personne qui, lorsqu'elle ment, par exemple lors du mois de Ramadan, ou qu'elles escroquent, ou qu'elles font de la médisance, et que d'autres personnes leur interdisent cela, en leur disant que cela est interdit et illicite, eux ils répondent, c'est-à-dire ceux qui commettent ces péchés, ils répondent « Ramadan Karim ». Ramadan Karim, dans le sens où Ramadan est généreux, Ramadan est « fiad al-ma'ana takriban ». Donc en est-il de dire cette parole-là ? « Fa'ajab al-Rahman al-Ta'ala, hukm zalika anna hadhi al-kidima Ramadan Karim ghayru sahiha, wa inma yuqalu Ramadan Mubarak, wa ma ajba zalika ». لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريما. Donc il a dit cette expression de dire que Ramadan est karim, généreux, cela n'est pas correct, cela n'est pas authentique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Ramadan est mubarak, c'est-à-dire comme on dirait un mois béni, de bénédiction. Et ce qui ressemble, car Ramadan, ce n'est pas lui qui donne aux gens au point d'être décrit comme étant généreux. وإنما الله الذي وضع فيه الفضل وجعله شهرا فاضلا ووقتا لأداء ركن من أركان الإسلام. Mais c'est tout simplement Allah qui a placé le mérite et qui en a fait un mois de vertu et un temps pour pouvoir y accomplir un des piliers de l'islam. وَكَأَنَّ هَذَا الْقَائِلِ يَظُنُّ أَنَّ لِشَرَفِ الزَّمَنِ يَجُزُ فِي فِعْلِ الْمَعَاصِي وَهَذَا إِنْقِلَابٌ عَلَى مَا قَالَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِأَنَّ السَّيِّئَاتِ تُعْظَمْ بِالزَّمَنِ وَالْمَكَانِ الْفَاضِلِ عَكْسَ مَا يَتَصَوَّرُهُ هَذَا الْقَائِلِ. Et il dit, c'est comme si cette personne-là s'imaginer que pour la valeur de ce temps, c'est-à-dire le Ramadan, qui lui permet de faire des péchés. C'est-à-dire, comme c'est un temps qui a de la valeur, alors cela lui est pardonné. Et ça, c'est le contraire de ce que disent les ulama, les gens de science. Qu'eux, ils disent que justement, les mauvaises actions s'amplifient. C'est-à-dire, le seyyi'at, sont décuplées. C'est-à-dire, ce que tu fais comme seyyi'at lors d'un moment précis de vertu dans un lieu de vertu, cela est pire qu'en dehors de celui-là ou en dehors de ce temps-là. Le contraire de ce que s'imagine cette personne-là, en fait. وَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ وَلَا سِيَّمَا فِي الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ وَالْأَمَاكِنِ الْفَاضِلَةِ وَقَدْ كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Donc le devoir de la personne, c'est de craindre Allah Azza wa Jal en tout temps et en tout lieu. Et tout particulièrement dans les temps de vertu et les lieux de vertu, de valeur. Et Allah, dans le sens où il dit, ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il était prescrit à cela pour vous, afin que vous craigniez. وَيُبَيُّنُ اللَّهُ أَنَّ الْحِكْمَةَ مِنَ السِّيَامِ تَقْوَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِفِعْلِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِهِ وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Donc Allah dans ce verset a clairement démontré que la sagesse du siyam, justement, c'est la taqwa, d'obtenir la piété. D'accord ? C'est-à-dire en accomplissant les ordres et en évitant les interdits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était rapporté de lui authentiquement qu'il ait dit que ceux qui ne délaissent pas les paroles mensongères, fausses et les actes qui vont avec, c'est-à-dire les péchés et autres, ainsi que l'ignorance, alors que Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson, c'est-à-dire son jeûne. Car le but de jeûner, justement, c'est pour s'améliorer. فَصِيَامُ تَرْبِيَةٌ لِلنَّفْسِ وَصِيَانَةٌ لَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ هَذَا الْجَاهِلُ أَنَّ هَذَا الشَّرْ لِشَرَفِهِ وَبَرَكَتِهِ يَسُوغُ فِيهِ فِعْلَ الْمَعَاصِي. Donc ce mois est là pour éduquer l'âme et pour la protéger des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas comme s'imagine cet ignorant que ce moi, pour sa valeur et sa baraka, qu'il lui ait permis d'y commettre des interdictions. Là. ثم قال في السؤال الواحد وعشرين بعد المئتين 221e question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى الامساك وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة. فهل هذا له أصل من السنة أم هذا من البدع؟ أفتونا مأجورين. Donc il est interrogé à propos des calendriers islamiques qui, lors du mois de Ramadan, ont placé un temps qu'ils appellent Al-Imsak, qui est que la personne doit s'arrêter de boire, de manger et tout, 10 minutes avant l'entrée de l'heure. 10 minutes ou un quart d'heure avant l'entrée de l'heure stricte d'interdiction totale. Donc, qu'en est-il de ce temps qui a été mis en prescription sur ces calendriers-là? Est-ce que cela a une origine dans la sunna ou cela fait partie des innovations? فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى بَلْ هَذَا مِنَ الْبِدَعِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ السُنَّةِ بَلْ السُنَّةُ عَلَى خِلَافِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ قَالَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Donc, il a dit cela fait partie des innovations. Ce n'a aucune origine dans la sunna. La sunna même est à l'opposé de cela, car Allah, dans le sens où il dit, buvez, plutôt mangez et buvez, jusqu'à ce que vous apparaisse la ligne blanche de la ligne noire du Fajr. Ça veut dire la ligne que l'on voit dans le ciel. La différence qu'il y a entre la nuit et le jour. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّن بِاللَّيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit que Bilal, qui était le muazzin, c'est l'azan de nuit, c'est-à-dire le premier azan du fajr qu'on appelle al-azan al-kadhib, celui qui indique l'approcher de l'arrivée de l'heure. C'est-à-dire que le premier azan du fajr, ce n'est pas l'entrée du temps, mais c'est comme une forme d'avertissement que le temps va bientôt arriver. Et on le fait généralement une demi-heure avant le Fajr, 40 minutes, 20 minutes, ça dépend des endroits. Et lui, il apparaît dans la nuit comme un trait vertical qui va du haut vers le bas. Alors que le Fajr, la ligne blanche de la ligne noire, elle, c'est un trait qui est horizontal. On peut distinguer ça, clairement, pour celui qui regarde dans un lieu, dans un ciel dégagé. Donc il a dit que Bilal fait l'azan, c'est-à-dire que c'est encore la nuit lorsque Bilal il fait l'azan. Donc il a dit, continuez à manger et à boire jusqu'à ce que vous entendiez l'azan de Ibn Maktoum. Car lui ne fait l'azan que lorsque le Fajr, l'aube, s'est levé. Donc le vrai temps, c'est quand lorsque l'aube se lève. وَهَذَا الْإِمْسَاكُ الَّذِي يَسْنَعُهُ بَعْدَ النَّاسِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَكُونُ بَاطِلًا. Donc il a dit, cet imsak, à la base imsak, c'est le fait de se retenir. Ils appellent ça l'imsak. Donc cet imsak qui a été imposé par les gens dans les calendriers, c'est un ajout de la part des gens que Allah ne nous a pas imposé, ne nous a pas rendu obligatoire. Donc il est caduc, il est nul. Car ce n'est pas Allah qui l'a légiféré. وَهُوَ مِنَ التَّنَطُّعِ فِي دِينِ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ. Il a dit donc que cela fait partie de l'exagération en religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que périssent les exagérateurs, il l'a dit 3 fois. Et vous allez voir, souvent les awam, ils sont comme ça. Ils reprochent aux gens de la sunna d'être trop durs sur beaucoup de points lorsqu'on leur dit que cela est halal, cela est haram, cela est bid'a, cela est sunna. Ils disent vous êtes trop durs. Mais eux, quand ils ont une bid'a, ils s'y accrochent et tu les vois, comment dire, en faire une chose comme si cela était parmi les emblèmes de l'islam. Alors c'est une chose qui a été purement inventée, comme cet imsak. Moi, je me rappelle à l'époque, lorsque j'étais encore à mon travail, encore en France, qu'il y avait un homme qui, lui, était un homme gentil, mais bon, malheureusement, qui n'était pas sur la sunna. J'arrivais au travail avant le Fajr, et je mangeais encore. Il me dit, là, faut plus manger. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, imsak. Je lui dis, imsak, ça, c'est pas la sunna, ça. Ah, c'est les gens qui l'ont inventé, ça. Le temps, c'est à telle heure. Il dit, non. Il commence à s'énerver presque. Il m'a dit, faut plus manger et tout. Je lui dis, quoi, si je mange pas, mon jeûne, il est baratil. Et il est accroché à ça. Et beaucoup d'entre des gens sont accrochés à ça. Est-ce qu'ils devront manger pendant l'imsak? C'est comme si tu avais mangé après le fajr pour eux. Wali azubillah. Hala min al-jahl. Naam. Fa'adha al-lazi akhadna al-yom min hadhihi al-as'ila. Walhamdulillah rabbil alameen.